Pas pour tout le monde, reprit aigrement Frédéric. Il se croit différent des autres, répliqua Sisi. Quelle farce! Et un rire parcourut la table. Frédéric sentait les battements de son cœur l'étouffer. Il avala deux verres d'eau, coup sur coup. Mais le baron avait gardé bon souvenir de Rosanette. Est-ce qu'elle est toujours avec un certain Arnoux? Je n'en sais rien, dit Sisi. Je ne connais pas ce monsieur. Il avança néanmoins que c'était une manière d'escroc. Un moment! S'écria Frédéric. Cependant, la chose est certaine. Il a même eu un procès. Ce n'est pas vrai. Frédéric se mit à défendre Arnoux. Il garantissait sa probité, finissait par y croire, inventait des chiffres, des preuves. Le vicomte, plein de rancune, et qui était gris d'ailleurs, s'entêta dans ses assertions, si bien que Frédéric lui dit gravement « Est-ce pour m'offenser, monsieur ?» Et il le regardait avec des prunelles ardentes comme son cigare. « Oh, pas du tout. Je vous accorde même qu'il a quelque chose de très bien. Sa femme, vous la connaissez ?»« Parbleu, Sophie Arnoux, tout le monde connaît ça. Vous dites ?» Sisi, qui s'était levé, répéta en balbutiant « Tout le monde connaît ça. Taisez-vous, ce ne sont pas celles-là que vous fréquentez. Je m'en flatte. » Frédéric lui lança son assiette au visage. Elle passa comme un éclair par-dessus la table, renversa deux bouteilles, démolit un compotier et, se brisant contre le surtout en trois morceaux, frappa le ventre du vicomte.